Voici votre bulletin régional. Activité mijoton à dos à la salle Guy-Veilleux de Courchir le 6 avril. Comme le nom le dit, ça s'adresse aux ados pour cuisiner et apprendre à cuisiner. Information ou inscription à 819-86-1508 ou à larelevehsf@hotmail.ca. À Istinguis, souper de fèves au lard et jambon le 7 avril à 17h30 à la salle des Chevaliers de Colomb. L'éco-centre de la MRC du Haut-Saint-François ouvre le 7 avril. Service gratuit pour les citoyens. Du 7 au 25 avril, l'éco-centre sera ouvert les mardis de 8h30 à 16h30 et les samedis de 8h30 à midi.